Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada en crise. There's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed. How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Just watch me, cette réplique désormais célèbre que lâche le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau le 13 octobre 1970, ça nous en dit long sur l'état d'esprit qui l'habite à ce moment-là et sur la manière dont il compte gérer la crise d'octobre en 1970. Cette crise d'octobre est l'une des plus importantes que va traverser le Canada. Lors de cette crise, les membres du FLQ, le Front de libération du Québec, vont kidnapper deux hommes, le diplomate britannique James Richard Cross et le ministre québécois Pierre Laporte. Pierre Laporte, d'ailleurs, qui va perdre la vie lors des événements d'octobre 1970. En 150 ans d'histoire, évidemment, bien d'autres crises vont secouer le pays. Nous allons en explorer trois aujourd'hui. La crise autour de la création du drapeau canadien en 1964, la crise entourant la mort de l'accord du Lac-Meech en juin 1990 et le même été de 1990, la fameuse crise d'Oka dans la région de Montréal. Dans le cadre de notre série d'émissions soulignant le 150e anniversaire de la Fédération canadienne, voici donc notre épisode sur le Canada en crise. Pendant sept longues journées, les 10 premiers ministres et moi, nous sommes efforcés de trouver une formule qui permettrait de réintégrer le Québec dans la famille canadienne. Mais nos efforts ont échoué, et cela pourrait avoir de sérieuses incidences pour le Canada, car toute action a des conséquences. Je ne vous cacherai pas la grande déception que me cause le dur coup que les Canadiens ont tous subi hier. Il n'y a pas de honte à avoir essayé d'écarter la lourde menace qui pèse sur notre unité. Rien ne peut être accompli à moins d'y mettre les efforts nécessaires. Et toute entreprise comporte un risque d'échec. Mais je préfère avoir échoué en essayant de faire avancer la cause de l'unité canadienne que de n'avoir pas pris de risque, de n'avoir rien fait et d'avoir critiqué les efforts des autres. Merci. Et bon après-midi. C'est avec un ton solennel, vous l'avez bien remarqué, que le premier ministre canadien Brian Mulroney annonce à la population la mort de l'accord du Lac-Meech le 23 juin 1990. Le ton est de circonstance et le choix du discours à la nation témoigne aussi très bien de l'importance du moment. On va revenir dans quelques minutes sur cette crise entourant la mort de l'accord du Lac-Meech. Pour évoquer ce thème, donc, du Canada en crise, trois invités avec nous. Mon collègue, habitué de l'émission, Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. Michel David, journaliste au Devoir, qui est aussi, je ne le savais pas, historien de formation, Michel David. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Et Pierre Trudel, anthropologue, président de la Société Recherche amérindienne au Québec. Pierre Trudel, bonjour. Bonjour. Premier tour de table sur ce thème-là, ce thème du Canada en crise, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pierre Trudel, est-ce que le Canada a traversé beaucoup de crises? Est-ce qu'on est un pays qui est beaucoup en crise? Écoutez, je suis très influencé par les nouvelles que je vois tous les jours de ce qui se passe dans le monde. Je trouve que le Canada, c'est très tranquille. Il n'y a pas eu beaucoup de crises par rapport à cette vision-là de l'histoire du Canada qui est en comparaison avec ce qui s'est passé à l'échelle internationale. Moi, je trouve que c'est très tranquille. Presque un long fleuve tranquille. Voilà. Oui, presque. Marc Laurendeau, je pense que vous trouvez qu'il y a un peu plus de crise, mais avec vous, ce qui m'intéresse tout de suite d'explorer, c'est quand on parle de crise dans un pays comme le Canada, de quelle nature sont ces crises? Dans la mesure, Marc, où ce pays-là a une telle culture de compromis et de consensus. Oui, mais justement, une crise, c'est quand le consensus est rompu. Et dans le cas auquel je me suis intéressé, la crise de l'adoption du drapeau unifolié, il y a eu 6 mois de blocage des communes, un débat extrêmement acrimonieux, raciste sur les bords. Hein, on disait que c'était pour faire plaisir aux mangeurs de soupe au pois. Ça a été dit, ça. Et il y avait un climat d'intrigue, de ruse, de malice, de colère, parce qu'il y avait tous ceux qui voulaient retenir le Union Jack. C'était très, très, très paralysant pour la société, le temps que ça a duré. Là. Mais évidemment, il y a des degrés dans les crises. On peut avoir des crises gravissimes quand les libertés fondamentales sont en cause, quand il y a de la violence physique. Ce n'était pas le cas pour le... Il y en a eu dans ce pays quand même. Oui, J'évoquais oui. la crise d'octobre en ouverture d'émission. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Marc, vous dites que c'était une crise importante aux communes, entre autres l'adoption du drapeau canadien en 64. Il y avait un Canada qui était assez divisé culturellement, linguistiquement dans ce cas-là. Puis je me disais en préparant l'émission, est-ce qu'il n'y a pas toujours ça dans toutes toutes les crises que traverse ce pays, Michel David, cette espèce de d'incompréhension entre cultures... Oui, entre cultures, entre peuples, je dirais. Depuis la conquête, on assiste périodiquement aux heurts de deux nationalismes. On les a appelés les deux nations, les deux solitudes. Choisissez le terme, mais fondamentalement, c'est toujours le même problème. Et la collision survient souvent de façon inopinée, mais très souvent à l'issue d'un espèce de climax qui fait que là, ça explose. Alors, mais il y a crise et crise. Moi, dans mon esprit, une crise, c'est un événement qui met vraiment à risque l'unité du pays. Oui. Et de ces crises-là, il n'y en a pas eu des masses. Oui. Il y a eu les patriotes, il y a eu peut-être les crises de la conscription. Elles se terminent comment, généralement, ces crises canadiennes? De façon générale, je pense qu'elles se sont terminées par la rentrée dans le rang du Québec. C'est l'ultime arme qu'aurait pu être la sortie de la Fédération. Personne au Québec n'a osé l'utiliser. Mais ça sous-entend, Michel David, que c'est toujours le Québec un peu qui est l'enfant terrible, qui est associé, qui provoque la crise, ou je sais pas. Je pense que oui, de façon générale, c'est du Québec, de l'insatisfaction du Québec dans la Confédération que la crise est venue. Marc Laurendeau, mais vous parlez plus que de 90, de Mitch. Là, vous parlez des grandes crises qui ont... Je vous parle de la conscription, je vous parle des patriotes. Ouais. Mais parfois, une crise mène à l'autre. La crise de l'échec de Mitch mène au référendum de 95, quand le Québec ravale, si vous voulez, sa salive et sa frustration dans le cas de Mitch. Ouais. L'étape suivante, c'est de procéder autrement, cette fois de façon consultative, et puis de voir si, effectivement, il n'y aurait pas une sortie possible de la Confédération. Alors, une crise, oui, le Québec parfois rentre dans le rang, mais c'est pour en ressortir quelques décennies plus tard. Et les Autochtones, oui, dans il y a ça, comme un peuple fondateur qui nous arrive tardivement, et curieusement, ils étaient là avant les deux autres. Et, bon, bien sûr, il y a toute cette question-là qui ne concerne pas strictement le rapport entre l'État et les Autochtones, mais qui joue un rôle dans la dualité anglophone-francophone. Puis aussi, il y a eu des crises méconnues, vous savez, parce que l'histoire de la dépossession territoriale et de l'intégration des Autochtones au Canada, on la connaît pas. On commence à la connaître. La crise d'Oka, il y en a eu une au 19e siècle qui était complètement méconnue. Ouais. Il y a eu des armes, il y a eu une vraie, véritable crise que moi, j'ai pris connaissance de ces crises-là au moment de la crise d'Oka, 100 ans plus tard. Alors, on s'attaque à notre première crise, celle qu'on va examiner. Il y en aura trois au cours de cette émission. On se retrouve à Ottawa en 1965. Symbole de nouveau chapitre dans notre histoire, notre drapeau, Alfred Durab, en deviendra un de cette unité nationale sans laquelle nous ne pouvons pas progresser avec vigueur et détermination. Unité qui favorise l'association dans l'égalité. Les deux peuples fondateurs de notre confédération, unité, qui reconnaît aussi l'apport et les cultures de bien d'autres nations. Le premier ministre Lester B. Pearson, le 15 février 1965, c'est le jour de l'inauguration officielle de l'unifolié, le drapeau canadien. Le débat qui va se déployer autour de l'adoption de ce drapeau, Marc Laurendeau, est un débat majeur, un des plus longs de l'histoire des communes, entre autres à Ottawa. L'idée n'est pas nouvelle. Pearson revient avec cette idée d'un drapeau au début des années 60, mais il y a déjà eu deux tentatives infructueuses en 1925, en 1945. Qu'est-ce qui pousse le premier ministre Pearson, au tournant des années 60, à revenir à la charge avec cette idée d'un drapeau canadien? Mais d'abord, il a été diplomate, ministre des Affaires étrangères. Et lors de la crise de Suez, il constate que Gamal Nasser ne veut pas que les casques bleus ou les forces canadiennes soient sur le drapeau de l'Union Jack, qui est le drapeau de la marine marchande, comme on sait, mais qui est identifié à l'Angleterre. Nasser dit, on va prendre les Canadiens pour des Britanniques. Il ne veut pas ça. Et Pearson, ça germe dans sa tête dès lors. Mais quand il parvient au pouvoir, il est élu minoritaire en 63, il a déjà promis, en 58, en 61, en 62, puis durant la campagne électorale, qu'il y aurait un drapeau canadien. Et il risque... C'est très courageux, son gouvernement minoritaire là-dessus. Il sait que ça ne va pas passer facilement, mais il y tient. Et le contexte aussi, c'est que le fédéralisme, à ce moment-là, est très décentralisé. Hein. On pense à la caisse de dépôt qui s'en vient, on pense aux points d'impôt qui vont être négociés. On pense à la formule Fulton-Favreau, qui est une forme de négociation de la Constitution. C'est l'époque où le Canada est le plus décentralisé, donc, historiquement. Donc, il faut des symboles d'unité, des symboles forts. Il y a le nationalisme québécois aussi. Le Québec a déjà un drapeau depuis 48. Ça, ça compte, je pense, dans la tête de Pearson, de dire il faut ce mouvement nationaliste au Québec monte. Il faut que le Canada se donne des symboles forts. Tout à fait. Mais il y a un chef de l'opposition qui ne l'entend pas de la même oreille. Oui. John Diefenbaker, ancien premier ministre, bien sûr, monarchiste, très attaché à ce qu'on appelle le Red Ensign. Mm-hmm. Cette fois, c'est pas le Union Jack, le Red Ensign. C'est un drapeau rouge avec, dans le coin, un Union Jack avec les croix de Saint-André, Saint-Georges, Saint-Patrick. Là. Et c'est ce drapeau de la marine marchande depuis 1707, puis au Canada adopté plus tard, en 1945 par un arrêté ministériel, mais qui ne fait pas consensus. C'est un drapeau colonial. Oui. Et il faut le changer. Diefenbaker, lui, s'y attache. Il dit, c'est nos valeurs. Nos combattants pendant deux guerres mondiales ont combattu sous ce drapeau. Et il s'y objecte. Féroce. Ça, on reviendra à ce débat qui va vraiment, encore une fois, être un des plus longs et des plus durs débats de l'histoire de la Chambre des communes. Il arrive quand même, Lester B. Pearson, avec un modèle. Il a sa préférence. On va commencer là-dessus. À quoi il ressemble le drapeau de Diefenbaker, Marc Laurent? Non, le drapeau de Diefenbaker, on le sait. Pardon, c'est le Red Ensign de la marine marchande, de 1707 et quelque chose comme ça. Mais le drapeau de Pearson, lui, c'est un trifolié. Il a vraiment sa préférence. Hein? C'est-à-dire que c'est un drapeau dans lequel il y a deux barres bleues. Au début, elles sont horizontales, d'ailleurs. Elles deviennent verticales. Qui représentent les deux océans. Et une feuille d'érable, si vous voulez, une branche sur laquelle il y a trois feuilles d'érable. Une représente les Canadiens français, l'autre les Anglais, et la troisième, tous les autres, y compris les Autochtones. Ouais. Et là, Diefenbaker est absolument furieux, fait campagne contre ce drapeau. Lui-même, il veut couler l'information à des journalistes. Il en invite 8 à Ottawa, puis il leur dit, regardez ce drapeau-là. Vous pouvez dire que, selon une source bien informée, c'est le bon drapeau. Mais ne me citez pas. Mais il y en a un, Walter Stewart, du Toronto Star, qui le cite. Ouais. Et là, la bataille commence. Et quand il va à la Légion canadienne, c'est en mai, là, 1964, il va défendre ce drapeau à la Légion canadienne. Ce sera un tollé. Ouais. On a un extrait, justement, de ce discours qu'il va prononcer à Winnipeg en mai 64 devant des membres de la Légion canadienne. Et effectivement, ils sont, pour rester très, très polis, plutôt tièdes face à cette idée de drapeau. Nous oublions parfois que sur le drapeau du 1er régiment canadien à se rendre outre-mer, les trois feuilles d'érable rouge unies à une même tige occupaient déjà une place de choix. Et je crois aussi sincèrement que quelques-uns d'entre vous peuvent croire dans un autre modèle. Je crois, dis-je, qu'aujourd'hui, un modèle de drapeau avec la feuille d'érable symbolisera vraiment le Canada nouveau. Aujourd'hui, il y a environ 5 millions de Canadiens dont les traditions ne viennent pas des îles britanniques, car ils sont les descendants des pionniers français qui furent les premiers colonisateurs de notre pays. Et il y a un autre 5 millions de Canadiens qui ont quitté leur terre lointaine pour venir s'établir ici et dont les ancêtres ne sont ni français ni anglais. Je crois qu'un drapeau canadien, aussi distinctif que la feuille d'érable qui se trouve sur l'écusson de la Légion, rapprochera tous ces Canadiens de leurs compatriotes de souche britannique pour faire de nous tous des Canadiens meilleurs et plus unis. C'est une petite révolution, au fond, Marc Laurendeau, que propose Lester B. Pearson, parce que ce qu'il dit à Diefenbaker, à tous ces Canadiens qui se sentent encore très, très attachés au Royaume-Uni, c'est non, nous ne sommes pas que ça. Le Canada, c'est autre chose. Il faut se détacher du Grand Empire. C'est pas parce qu'on est attaché au passé, dit-il, qu'on peut pas prévoir un avenir. Et pour être convaincant, il a, imaginez-le, avec toutes ses médailles d'ancien combattant, car il l'a été, devant les gens de la Légion. Ils sont 2000. Ouais. L'animateur doit intervenir pour les empêcher de huer. C'est terrible. Alors, quand on voit qu'aux communes, ça s'amorce mal, le débat doit avoir lieu à partir du 15 juin. C'est le 15 juin, après cela, qu'on doit être saisi du débat. Alors, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il y a une opposition féroce à ce drapeau de Pearson. Et là, est-ce que c'est très clivé, Marc? On parlait de la division culturelle et linguistique un peu plus tôt dans l'émission. Est-ce que c'est encore ça? Essentiellement, le Canada anglais qui veut pas du drapeau que propose Pearson et le Québec et le Canada français qui en veut ou qui s'en soucie assez peu? Ben voilà, Trudeau lui-même le dit. Il s'en fout comme de l'an 40, le dit-il en substance. Il était prof d'université en 64, ouais. Pas encore député. Il dit ça. Il s'en fout comme de l'an 40. Il n'y a pas eu de sondage disant que les Québécois, ça les intéressait. René Lévesque dit ça, puis les chèques bilingues, ça nous intéresse pas, c'est plus que ça qu'on veut. Alors, indifférence, je vous dirais, au Canada français. Tandis que, côté anglophone, on ne veut pas concéder ça. Les députés conservateurs, en particulier, sont extrêmement véhéments. Donc, ça bloque. À l'été, là, ça bloque. Ouais. Et Pearson pense à une solution. Et la solution, en fait, c'est de donner à un comité, de sortir ça des communes, avec un comité mixte des communes et du Sénat. Et là, vraiment, il y aura des milliers de propositions. Ouais. Les Canadiens sont appelés à faire des dessins, à envoyer leurs propositions à ce comité-là. 3500. Ça va donner quoi? Comité présidé par John Matheson, 7 libéraux, 5 conservateurs, 1 néo-démocrate, 1 crédit social. Et là, ils examinent les différentes propositions. Il y a de tout. Il y a un drapeau suggéré avec les Beatles. Non. Un autre avec un castor. 4 Beatles. Plusieurs avec des castors. Ouais. Même une femme, une actrice, Myrna Loy, tenant en laisse un castor. Enfin, toutes sortes de folies. Alors, les Canadiens, on a vu, là, on a constaté là, qu'ils ne savaient pas comment dessiner un castor. C'était lamentable, certains des dessins de castor. Plusieurs dessins où il y avait plusieurs dessins de drapeaux. Il y avait à la fois une Union Jack et des fleurs d'Élysée. Un igloo, un drapeau avec un igloo. Un drapeau avec, un tipi. Ouais. Ce genre de choses. Il y a quand même des choses qui reviennent. La feuille d'érable revient beaucoup, ça, déjà, dans les propositions des Canadiens, ce qui sera finalement le choix retenu. Mais ça revient déjà. Au comité émergent 3 drapeaux. Le trifolié, dessiné par Alan Beddow, celui de Pearson, son préféré. L'unifolié. Et là, c'est George Stanley, doyen du Collège royal militaire de Kingston, qui suggère de prendre le drapeau du collège. C'est 2 bandes rouges. Puis il y avait un emblème militaire au centre, mais il le remplace par la feuille d'érable. Et un troisième, c'est un truc bâtard avec le Union Jack et le fleur d'Élysée. Mm-hmm. Alors, le comité vote là-dessus et les conservateurs se disent, ils espéraient un vote divisé. Alors, ils votent pour l'unifolié. Parce qu'il y avait eu un engagement des conservateurs. S'il y a à peu près consensus au comité, on ne fera pas barrage, on adoptera ce nouveau drapeau. Donc, ils misent sur la division qu'ils pensent obtenir dans le vote, c'est ça? Et là, il y a eu une entente. Pearson a abandonné, il a négocié. Il dit, je vais abandonner mon trifolié à condition que l'unifolié passe. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire que les conservateurs ont misé sur la division. Ils ont voté pour l'unifolié. Et les libéraux aussi, parce que John Matheson, président du comité, s'était entretenu avec Pearson, qui avait négocié. C'était un négociateur, de toute manière. Et là, tout le monde fait consensus. Ça sera l'unifolié. Stephen Baker était furieux. Il dit, c'est le drapeau du Pérou, ça. Les Péruviens vont l'aimer, mais c'est pas le drapeau du Canada. Ça vous dit quoi, messieurs? Michel David, cette histoire du drapeau canadien. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que c'est la dernière fois que le Canada, même si ça lui a coûté beaucoup, a fait un compromis important pour satisfaire le Québec. Pour qu'il n'y ait pas l'Union Jack, là, qui rappelle perpétuellement aux Québécois que le Canada est né de la conquête britannique. En même temps, il n'y a plus rien dans ce drapeau, parce que le drapeau dont faisait la promotion Pearson, avec ses 2 bandes bleues, il n'y a plus rien de provoquant. Mais il n'y a plus rien de Québécois non plus. Il n'y a plus rien de Québécois, mais remarquez, la feuille d'érable, il n'y en a pas dans l'ouest du Canada. Ouais, alors, c'est un drapeau qui unit pas grand monde, mais qui divise moins. Ouais. C'était l'époque aussi, l'époque de Pearson, ça a été le dernier moment où le Québec a réussi à obtenir des choses importantes, transfert de points d'impôt, le régime de pension indépendant du Canada Pension Plan, ce qui donnerait lieu à la création de la Caisse de dépôt. Il y avait encore de l'ouverture. Ouais. Tout de suite après, Trudeau va arriver et là, ça va être la fin et ça va être non à chaque fois. Alors ça me semble être le dernier épisode d'un Canada qui pouvait encore faire consensus. Les Autochtones, ils sont où là-dedans? Oui, sur le drapeau ou dans le débat, Pierre Trudel? Écoutez, je ne peux pas m'empêcher d'être anthropologue et penser que les symboles sont importants. Voilà un exemple. Écoutez, Pearson le disait, c'est un drapeau de colonisateur. Il a utilisé le terme, puis les immigrants vont venir s'y ajouter. Les Autochtones sont absents. On pourrait s'imaginer, alors, si les Autochtones avaient été une force politique à ce moment-là, comme aujourd'hui, en quoi aurait consisté le débat? Et de façon peut-être cocasse, Diefenbaker aurait peut-être eu un allié sur maintenir un symbole britannique, parce que les Autochtones aiment bien, oui, pour d'autres raisons, rappeler le rapport de nation à nation, les traités qu'ils ont eus avec la Grande-Bretagne. Et pour eux, c'est important parce que ça met l'emphase sur le fait qu'ils sont des peuples. Donc, aujourd'hui, Marc Lerando, un petit mot. Le choix, il a été fait en 65. Ce drapeau-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente dans le monde? Avec le recul, c'est un drapeau qui reste encore britannique par sa couleur, qui reste encore... le bleu a été éliminé, là. Ouais. Et ce sont les mêmes couleurs traditionnel britannique. Alors, il y a un choix de ce côté-là. Bien sûr, Peter Newman écrivait à cette époque qu'on a passé d'une génération à l'autre. Quand le drapeau a été hissé au mât en 65, c'est un matin, le 15 février 1965, ouais, John Diefenbaker pleurait. Il a été d'ailleurs enterré avec deux drapeaux cousus ensemble, dont le Red Ensign, tandis que Pearson le sera, lui, avec l'unifolié seulement. C'est le passage, disait Newman, d'une génération... Le pouvoir passe d'une génération à l'autre, écrivait-il. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, la ratification de Meech est en train de se compliquer de façon extrêmement sérieuse au Manitoba, où le premier ministre Phil Moon, qui s'est rallié à la toute dernière minute à l'accord, est maintenant incapable d'agir. Pourquoi? Parce que le seul député autochtone de la législature a décidé d'avoir Meech à l'usure. Et encore aujourd'hui, il a réussi à bloquer les travaux. Et cette fois-ci, ça va durer au moins jusqu'à lundi. Maxence Bilodeau nous dit où on en est à 9 jours de la date limite. Depuis 3 jours, les Autochtones du Manitoba font entendre leur voix à l'édifice législatif. Elijah Harper était jusqu'à la semaine dernière un simple député qui prenait rarement la parole. Mais il est aussi le seul député autochtone. Il y a 2 jours, il a commencé à s'opposer à Meech. Hier, l'Assemblée des chefs manitobains lui a remis un symbole de courage, la plume d'aigle. Le député Harper prétend que les avis de motion sur Meech déposés il y a 2 jours sont illégaux parce que le greffier n'a pas respecté certaines règles de procédure. Personne n'avait prévu le coup. Le président d'Assemblée suspend les travaux pendant près de 3 heures pour étudier la question. On reconvoque l'Assemblée. Le président rend son verdict. Le député Harper a raison. Certaines règles n'ont pas été respectées. Le leader néo-démocrate Gary Doer pense qu'on a maintenant à peu près une chance sur 100 d'adopter Meech avant le 23 juin. I think the chances are less than 1 in 100. Personne ne sait comment tout cela va finir. Si le député Harper cesse maintenant de faire de l'obstruction, il est encore théoriquement possible d'adopter Meech avant le 23 juin. Mais la communauté autochtone semble déterminée à aller jusqu'au bout. Ici Maxence Bilodeau à Winnipeg. Le deuxième épisode de crise sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est celui associé à la mort de l'accord du lac Meech le 23 juin 1990. Michel David, on vient d'entendre un extrait de reportage à l'époque de Maxence Bilodeau, quelques jours avant la date fatidique du 23 juin. Dans quelles circonstances meurt cet accord-là? Quel rôle va jouer cet homme dont on parlait dans le reportage, Elijah Harper, dans la fin de l'accord du lac Meech? Ouais, ben il faut se souvenir que au tout début de juin 1990, les premiers ministres s'étaient réunis à Ottawa pour sauver ou, on pensait-on, remanier l'accord de façon à satisfaire, entre autres, Frank McKenna, qui n'était pas satisfait du libellé initial. Parce que ça grognait. Il y avait eu des nouveaux premiers ministres élus. Exactement. Ouais. Meech est signé en juin 87. On s'entend sur une période de 3 ans, ouais, pour que toutes les assemblées législatives le ratifient. 3 ans, c'est beaucoup trop long, on s'en rendra compte par la suite. Entre-temps, il y a des premiers ministres qui avaient signé l'accord et qui sont partis, qui ont, ouais, été remplacés par d'autres, qui ne se sentaient pas liés par la signature de leurs prédécesseurs et qui avaient des opinions différentes sur l'accord. Alors, ces divergences-là se sont manifestées. En juin 90, on se réunit pour essayer d'accorder tous les violons. On pense que c'est fait. Et là, chacun retourne dans sa législature. Et au Manitoba, Elijah Harper, avec sa plume d'aigle, ouais, force l'avortement du débat. Est-ce qu'on aurait pu le forcer? Je pense que M. Filmon a laissé faire M. Harper sans trop insister parce qu'il le sentait bien. L'opinion canadienne-anglaise n'était plus favorable à l'accord de Jack Meach comme il l'était à l'origine. Puis ça, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est important de tout de suite faire la nuance. Bien sûr qu'on regarde un peu avec le recul, il y a deux choses. Il y a, oui, quelques hommes, Elijah Harper, qui a pesé très lourd, techniquement, dans la mort de cet accord-là. Clyde Wells, on y reviendra aussi à Terre-Neuve, mais il y a plus que ça. Il y a une insatisfaction de la population. Le fait que M. Harper, les Autochtones font irruption dans le débat, parce que pendant les trois années précédentes, ils avaient, et je comprends qu'ils étaient frustrés, ils avaient été tenus pour quantité négligeable. C'était la Ronde Québec, Mitch. C'était la Ronde Québec, et ça s'était discuté à huis clos. Il n'y avait pas de chef autochtone qui participait à ces discussions-là, à l'édifice Langevin, et ils ont saisi l'occasion de rappeler leur existence à tout le reste du pays. Mais le Canada en entier avait... sauf le Québec, avait pas mal décroché de Meach. Pourquoi, Pierre Trudel, cette intervention d'Elijah Harper? Mais il est soutenu, on l'entendait dans le reportage, par les Autochtones. Pourquoi cette intervention à la toute fin pour torpiller cet accord-là? C'est que l'accord changeait leur statut constitutionnel. Si on reconnaît les Autochtones comme des peuples, évidemment, si on change la Constitution et ça a une portée sur leur statut constitutionnel, ce serait illogique de leur part de ne pas s'y opposer. À ce moment-là, ils consentiraient à dire « Nous ne sommes pas de véritables peuples, puisque vous pouvez changer la Constitution sans nous. » Et le but, c'est d'avoir le droit au chapitre et d'espérer qu'il y aura une prochaine ronde à laquelle ils participeront. Est-ce que déjà, c'est dans leur tête? Mais on leur avait dit ça. C'était lorsqu'ils ont dit « On veut être partie liée à ce changement constitutionnel-là », on leur a dit « Mais plus tard ». On fera ça plus tard. Ah, ils ont dit non, pas plus tard. Autre figure, on va terminer cet aspect un peu plus technique avant de repasser en revue ces trois années entre la signature et la mort de Meach. Mais une autre figure importante au final qui est associée à l'échec de Meach, c'est évidemment le premier ministre libéral de Terre-Neuve à l'époque, Clyde Wells. On l'écoute d'abord dans une entrevue qu'il donne au réseau anglais de Radio-Canada la veille de la mort de Meach, le 22 juin 90. Je ne crois pas que l'accord soit complètement mort. Je pense que s'il reste encore un peu de bonne volonté dans ce pays, il sera possible de répondre aux préoccupations légitimes du Québec. Et je pense que nous pouvons le faire. Terre-Neuve a le droit de décider elle-même de ce qu'elle pense de cette entente. Le gouvernement fédéral, le premier ministre et le sénateur Murray en particulier n'ont cherché qu'à nous manipuler et à exercer des pressions sur nous afin que nous prenions une décision qui allait à l'encontre de ce que nous souhaitons et de ce que l'on considère être notre meilleur intérêt, tel que l'a exprimé la population terre-neuvienne au cours des dernières semaines. Quel rôle, Michel David, quel rôle va jouer Clyde Wells dans la mort de Meach? Bien, toutes les législatures devaient adopter l'accord du lac Meach pour qu'il entre en vigueur. Et M. Wells, à la fin, prend prétexte, d'ailleurs, de ce qui est arrivé au Manitoba pour refuser de mettre aux voix l'accord, malgré la visite de dernière minute de Brian Mulroney qui voulait absolument sauver l'accord. Mais maintenant, M. Wells, lui, contrairement à M. Filmon, est un idéologue qui est contre l'accord du Lac-Meach en soi. C'est un émule de Pierre-Éliott Trudeau. Ce qu'il dit des Terre-Neuviens qui ont été floués par Lowell Murray et tous ces gens-là, Brian Peckford, qui était son prédécesseur, lui, avait signé de bonne foi et n'avait pas trouvé qu'il y avait un problème là, dans le processus de Meach. Alors, M. Wells, lui, c'est que Meach ne correspond pas à sa vision trudeauiste du Canada et il prend la première occasion pour le saboter. L'ascenseur lui reviendra puisqu'il sera nommé par le gouvernement chrétien juge en chef de sa province par la suite. D'ailleurs, il y a cette fameuse image aussi là dans un congrès politique où... Exactement. C'est qu'au lendemain de la mort de Meach, c'est le congrès de chefferie du Parti libéral du Canada qui va sacrer Jean Chrétien chef, qui succédera à John Turner. Et on voit effectivement M. Wells et M. Chrétien qui se donnent l'accolade. Et on entend M. Chrétien dire « Nice job, Clyde ». T'as bien fait ça, tu l'as bien tué, cet accord-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient là-dessus. Il est adopté assez facilement. Il est signé assez facilement. Mulroney a réussi à... Assez facilement, mais à la surprise de tout le monde. Oui, mais c'est signé. Tout le monde est... Il y a même un peu d'enthousiasme au début, même dans la population canadienne. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois années, Michel David, pour que le vent tourne à ce point-là? Oui, bien, on le disait tantôt, les premiers ministres se sont entendus pour... s'accorder une période de 3 ans pour faire ratifier l'accord par leurs assemblées législatives respectives. En 3 ans, il se passe beaucoup de choses, Jacques. C'est très long. Robert Bourassa disait 6 mois, c'est une éternité. Ouais. Imaginez 3 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'il y aura des premiers ministres qui avaient signé et qui sortiront de scène et qui seront remplacés par d'autres. Et il y aura aussi un développement important au Québec qui est lié au dossier linguistique. En 1988, il y a un jugement important de la Cour suprême qui invalide les dispositions de la loi 101 au chapitre de l'affichage commercial. La Cour suprême dit vous n'avez pas le droit d'interdire la présence de l'anglais sur l'affichage. Vous pouvez exiger la nette prédominance du français, mais il doit y avoir de l'anglais. À ce moment-là, Robert Bourassa est face à un dilemme. Il se rend compte que l'opinion québécoise demeure farouchement attachée à la règle de l'unilinguisme français dans l'affichage. Et il se dit, si j'utilise la clause nonobstant pour maintenir l'affichage d'unilingue français, je serai probablement réélu à la prochaine élection qui s'en venait un an plus tard. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il savait qu'il allait provoquer la colère du Canada anglais. La charte, déjà en 1985, avait été sacralisée. C'était le document fondateur. Et se soustraire... La charte des droits. La charte des droits, oui, qui avait été enchâssée par Pierre-Éliott Trudeau. Et se soustraire à ces droits-là, c'était une hérésie qui ne manquerait pas de choquer le Canada anglais. Ça, c'est important, non? Pour le Canada anglais? Oui, c'était très important. Parce que ça veut dire, Michel David, que cette fameuse société distincte qu'accordait l'accord du Lac-Meech au Québec. Déjà, le terme agaçait les anglophones. Et ça donnait une espèce d'aperçu de ce que serait une société distincte. Est-ce que la société distincte ferait bon marché de la charte? Est-ce que c'est ça qui résulterait? D'ailleurs, en bout de ligne, pour satisfaire, rassurer tout le monde, on annexera à l'accord du Lac-Meech un avis signé par 6 des plus éminents juristes du Canada qui assureront que non, l'accord du Lac-Meech ne change rien à la charte. Québec va-t-il être soumis? Exactement comme ça. Mais Robert Bourassa, donc, pour des raisons électorales, décide d'appliquer la clause nonobstant. Et c'est le début de la fin, je pense, pour l'accord du Lac-Meech. Il en était conscient, d'ailleurs. Oui. Et à partir de ce moment-là, le premier à émettre des réserves sera Frank McKenna au Nouveau-Brunswick. Et Pierre-Éliott Trudeau danse. Sera-t-il important? En fait, quel poids il aura, Pierre-Éliott Trudeau, dans ce torpillage de Meech? Ah, il aura un poids très, très important. D'une part, parce qu'il est encore extrêmement populaire au Canada anglais, en particulier au Québec, beaucoup moins, pour les raisons qu'on sait, le rapatriement et tout ça. Et qu'il contrôle, si je peux dire, un certain nombre de politiciens libéraux provinciaux. On parle de M. Wells, mais il y a une autre dame au Manitoba qui, en 88... Sharon Carstairs, qui devient chef de l'opposition officielle au Manitoba, où Gary Filmon est minoritaire. Ouais. Alors, il est à la merci de Mme Carstairs, qui, elle, déteste l'accord du Lac-Meech et qui va, elle aussi, tout faire pour le faire échouer. Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, cet accord va mourir le 23 juin 1990. Le Québec, évidemment, est en état de choc, blessé. Ça commence par le premier ministre lui-même, extrait d'un discours célèbre, Robert Bourassa, à l'Assemblée nationale, tout de suite après Jacques Parizeau, qui est au Parti québécois à ce moment-là, le chef du Parti québécois. Jusqu'à 1985, on disait « What does Quebec want? » Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Et on attend encore la réponse du Canada à cet égard. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci, M. le Président. Et je dis, Monsieur le Président, à mon Premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voix de l'avenir du Québec. Je sais, moi, quant à moi, la voix que je préférerais. Je suis souverainiste et je resterai souverainiste. Mais puisque ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble entre nous, acceptons simplement de pouvoir nous retrouver entre nous et discuter entre nous, pas avec toute espèce d'autres gens, entre nous, de notre avenir et de ce qui doit nous arriver. Merci. Comment réagit le Québec? Quel est l'état d'esprit au Québec au moment de la mort de Meach, Michel David? Ah, le Québec est furieux. Et tous les Québécois francophones, essentiellement, les anglophones demeurent aussi canadiens qu'ils l'étaient avant. Mais dans tous les secteurs de la société, même, il y a des hommes d'affaires qui font des déclarations assez étonnantes. À ce moment-là, des gens qu'on tenait toujours pour des fédéralistes inconditionnels qui se disent « Non, mais là, ça va faire, puis ça suffit. » Et il y a des sondages. À un moment donné, la souveraineté arrive à des sommets de l'ordre de 70 %. À la limite, il n'y aurait même pas besoin de référendum si tous les partis à l'Assemblée nationale adoptaient une résolution décrétant la séparation du Québec. Bon, sur le plan légal, ça poserait un problème, mais il serait très représentatif de l'état de l'opinion publique à ce moment-là. Et ça va changer la dynamique complètement. L'impact politique de Meach est énorme dans les années qui suivent. Absolument. Et d'ailleurs, tout le monde sait, et M. Bourassa est le premier, qui est premier ministre, en est le premier conscient. Et tout le monde s'est posé toutes sortes de questions sur l'interprétation à donner à ses propos. Le Québec est une société libre de décider, etc. Bon, je pense que déjà, M. Bourassa, lui, sent un urgent besoin de gagner du temps. Oui. Parce qu'il sait absolument qu'il faut reporter les échéances, qu'il faut faire baisser la pression. Parce qu'il ne veut pas de la souveraineté. Et qu'il ne veut pas de la souveraineté. Et là, je pense que M. Parizeau se doute bien que M. Bourassa n'est pas devenu souverainiste tout d'un coup. Mais il se dit, voilà un entonnoir où on va pouvoir l'enfoncer et il n'aura plus de choix. Alors là, il y a la formation de la commission Bélanger-Campeau qui, dans l'esprit de M. Bourassa encore là, est là pour gagner du temps. Dans l'esprit de M. Parizeau, est là pour paver la voie à la souveraineté. Et il y aura comme deux démarches parallèles qui, d'ailleurs, vont s'incarner dans un projet de loi, le projet 150, qui prévoit un référendum sur deux possibilités, ou sur de nouvelles offres qui viendraient du Canada anglais, ou sur la souveraineté. Et là, pendant plusieurs années, on aura une espèce de psychodrame pan-canadien où il y a des commissions qui vont sillonner le pays pour savoir ce que les Canadiens pensent, ce que les Canadiens veulent, et qui débouchera éventuellement sur l'accord de Charlottetown. Mais là, il y aura, pendant ces deux années-là, c'est vraiment... Je ne pense pas d'ailleurs que tout le Canada, tout le peuple canadien était conscient du danger que le pays courait, mais dans la classe politique, on en était. Et puis ça voudra dire l'échec de Charlottetown qui suivra l'élection de Jacques Parizeau au Parti québécois, le référendum de 95, ce sera ça au fond, la suite concrète de cette histoire-là. Il en reste quoi, en quelques mots, Marc Laurendeau peut-être, de tout ça, aujourd'hui, dans la dynamique politique québécoise? Il reste que le problème est non résolu, c'est-à-dire qu'on est toujours dans... On n'a pas fait entrer le Québec dans la Confédération dans l'honneur et l'enthousiasme, tel que le promettait Brian Mulroney. Le problème est non résolu. Je sais que M. Couillard récemment disait, oui, on va négocier, on va y revenir, mais il faut y revenir avec des conditions satisfaisantes pour le Québec. C'était pas hyper exigeant ce que proposait Robert Bourassa, mais ça changeait la dynamique, c'est-à-dire la société distincte aurait pu servir de base interprétative. C'était dans le préambule à l'origine, à toute l'interprétation que feraient les tribunaux de la Constitution. Ça, c'était une ouverture qui n'est pas revenue depuis, après l'échec du référendum. Ça a été mort et par donc, la suite. Et donc, on est tellement loin, les plus jeunes qui écoutent doivent se dire, mais de quoi ils parlent? Troisième et dernier épisode lié aux crises qui ont traversé ce pays, c'est tout de suite après l'échec de l'accord du lac Meach, la crise d'Oka, le même été, à l'été de 1990. Alors, vous voyez ce jeune militaire qui n'a jamais rien vu de semblable, mais qui est impassible. Don't want to make any comments, sir. What? Can you tell us why you walked down to that barricade? What were you trying to tell them? What were you trying to say with that gesture? Are you angry with the way the army is treating you? I just want to look at their face before I kill them. Je veux voir leur visage avant de les tuer, aussi directement que cela. Alors, c'est pas ce qu'on peut appeler une reddition. La scène que décrit le journaliste Bernard de Rome dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est probablement l'une des images les plus fortes qui a été retenue de cette crise d'Oka, par les non-autochtones en tout cas, pour parler ce fameux nez-à-nez, hein, souvenez-vous, ce face-à-face, mais littéralement un nez-à-nez entre un soldat de l'armée canadienne et le warrior Ronald Lazine Cross. Peut-être que l'image vous revient quand je l'évoque. Qu'est-ce que ça nous dit, cet épisode, sur ce qu'a été la crise d'Oka, Pierre Trudel? Ce n'était pas M. Cross qui était derrière le masque. Évidemment, à cette époque-là, c'était, on était dans une situation très tendue. Cette image-là est apparue où ça a carrément été interprété là, comme la civilisation contre le barbare qui était masqué. Là. Et je pense que ça jouait un rôle. Mais aussi, je pense que dans les faits, ça représentait le fait que dans une crise, c'est l'occasion d'un changement de rapport de force. Ouais. Et là, on voyait face à face l'expression réelle d'une crise où, sans changer les constitutions, sans changer les textes de loi, il y avait une négociation sur le rapport de force. Et un affrontement réel. Je reviens à l'image, mais l'image, elle reste parlante dans ce qu'elle nous montre et dans ce qu'elle évoque. Affrontement de deux cultures, de deux visions qui se rejoignent pas, qui ne se comprennent pas. Sur le point de départ, peut-être que c'est la meilleure façon d'illustrer cet écart et cette incompréhension, mais parlons du point de départ de cette crise-là. Ça va nous en dire déjà un petit bout. Oui, Michel relevait l'importante question du rejet, c'est-à-dire que les Québécois se sont sentis rejetés à la suite de l'échec du lac Meech. Alors, je pense que la question des Autochtones, c'est la même chose. Ouais. On soigne présentement, là, sans accord constitutionnel, on soigne les rejets. Et je pense que pour ce qui est de la crise d'Oka, c'est un rejet méconnu, comme l'histoire de la dépossession territoriale et de la réduction des réserves au Canada. C'est l'histoire d'un rejet pour les Mohawks de la région de Montréal de pouvoir bénéficier d'une politique qui avait été mise en place par M. Chrétien dans les années 70, qui sont les revendications particulières. M. Chrétien, jeune ministre, avance un livre blanc en 1969, je pense, dans lequel il était question d'abolir les réserves et la loi sur les Indiens. Ouais. Et dans ce livre blanc-là, on dit « Ah, il faudrait régler quelques petits griefs qui restent en suspens ». Écoutez, ces griefs-là, là, c'est des centaines de revendications particulières à l'effet que des réserves ont été illégalement réduites. Et dans c'est années... à Oka. Et à Oka, ça a été rejeté. Quand je vous dis que c'est l'histoire d'un rejet, les Mohawks ont voulu aussi bénéficier de cette politique de normalisation-là, de justice, et d'examiner si la réduction des terres fédérales avait été illégale. Ils n'ont pas pu bénéficier. C'est après la crise d'Oka qu'on a accepté les revendications de Kanasataki comme une revendication particulière. Et pour qu'on comprenne bien, ce qui est en jeu à ce moment-là, de manière très terre-à-terre, c'est un projet d'agrandissement de terrain de golf. Le premier terrain de golf, le 9 trous, justement, fait référence à ce que vous décrivez. Normalement, il n'aurait pas dû être construit. Il est construit. Et tout à coup, en 90, le conseil municipal d'Oka dit « On va en faire un 18 trous, on va construire des condos là-dessus. » Ça, c'est le point de départ de la crise. Oui, c'était pour les Mohawks la commune. C'est-à-dire que dans l'ancien territoire de la Seigneurie, qui est vaste comme l'île de Montréal, là, il y a des territoires plus sensibles. Et d'ailleurs, 18 ans après la crise d'Oka, le gouvernement fédéral va reconnaître une faute fiduciaire. Il aurait dû empêcher les Sulpiciens de vendre les territoires de la commune en 1930 et en 1900. Donc, autrement dit, 18 ans plus tard, le gouvernement fédéral a carrément donné raison aux Mohawks qui disaient non, non. Donc, c'était surtout un développement domiciliaire de 60 habitations et de l'agrandissement d'un golf sur ces territoires bien sensibles. Mais l'incompréhension était grande. Seigneurie, vaste territoire, il y avait toutes sortes d'acteurs. Il y a un niveau local et c'est devenu même international. Et ça devient, un clash culturel, mais presque, moi je me souviens de certains propos du maire d'Oka à l'époque, c'est presque une bataille. On présente ça un peu contre la modernité, contre la préhistoire. Là. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. C'est comme ça qu'on présente ça, de s'objecter à ça. C'est une crise d'une mauvaise... Le coroner sur la mort du caporal Lemay le dit. L'intervention policière était inadéquate. Ouais. Et la proposition de la Commission québécoise des droits de la personne quelques heures avant le déclenchement de la crise, à l'effet de mettre en place dans la région des forums publics pour expliquer quoi cette histoire-là de la seigneurie, les intérêts des Mohawks sur des territoires plus sensibles qui étaient l'ancienne commune. Ouais. Et cette information-là, le maire, lui, il disait, c'est nous autres, il n'y a pas de loi qui donne raison aux Mohawks. Bon, il y avait donc, de l'information qui ne circulait pas entre les populations. Des pistes de solutions possibles, on n'a pas voulu les entendre et les saisir. Oui, ça capote complètement, vous le dites, le jour de cette mort du caporal Lemay, le 11 juillet 90, parce que c'est là où la crise commence vraiment. Les Mohawks, qui ont érigé une barricade, bloquent la route, et la SQ décide de donner la charge. Comme chef du gouvernement, je ne peux pas accepter que lorsque les forces policières font appliquer la loi et qu'ils font leur devoir, il y ait des victimes comme on en a connu ce matin. Ça me paraît intolérable. Qu'est-ce qui se passe ce fameux jour du 11 juillet 90, Pierre Trudel? C'est qu'on réanime un plan d'intervention de la part de la Sûreté du Québec à 3 heures de la nuit, là, dans le gros édifice de la Sûreté du Québec. On se réunit. L'agent Jaudoin, qui était responsable d'examiner très attentivement ce qui se passait sur le terrain, dit publiquement, selon le coroner, « Moi, j'irai pas là, à 3 heures de la nuit. » C'est un dissident. Manifestement, on décide de réactiver le plan d'intervention, puisque apparemment, il y a une injonction, le maire a demandé une injonction, pour la libre circulation dans un parc municipal où il y a des barricades. Et il semblerait qu'il y aurait eu des gestes illégaux de poser, et c'était le motif de la Sûreté du Québec pour intervenir. Donc, très tôt le matin, parce qu'on voulait faire, on réanime un plan d'intervention inadéquat selon le coroner, et c'est l'effet surprise. On s'imagine qu'on va avoir un effet surprise, puis pouvoir enlever ces barricades-là sur un chemin de terre dans un parc municipal. Ça se passe mal. Et là, évidemment, après 3 heures, il faut bien savoir, habituellement, on inverse les événements. Le pont Mercier, à partir de 6 heures le matin, est pris par des occupants armés, de plus en plus armés. Vers 7 heures et quart, le pont est complètement bloqué. La Sûreté du Québec est débordée et déstabilisée. 2 heures plus tard, à 9 heures moins quart, c'est là que déstabilisée, la Sûreté du Québec dit à ses troupes, allez enlever les barricades dans le parc, il faut que j'envoie mes hommes au pont Mercier, puisque là, le Québec est à l'envers, disait le responsable de la Sûreté du Québec. Échange de coups de feu, mort du caporal Lemay, la SQ se retire, Québec panique. Je fais ça vite, mais c'est un peu ça la séquence. Et Michel David, la suite, c'est bon. D'abord, Robert Bourassa, ce qu'on peut dire qu'il est dépassé. En tout cas, il va demander l'intervention de l'armée canadienne. Mais ça nous dit quoi sur la façon dont c'est géré à Québec, cette affaire-là? Monsieur Bourassa est complètement dépassé. Je me souviens, moi, tout le monde a été pris par surprise, évidemment, par le début de cette crise-là. Je me souviens très bien, moi, j'étais en poste à l'Assemblée nationale et on accompagnait Monsieur Bourassa dans la région de Montmagny. Il visitait une usine de frigidaire. Et tout d'un coup, bang, au milieu du point de presse, on lui dit, écoute, là, il est arrivé quelque chose au cas. Et là, les événements se précipitent. Et là, M. Parizeau demande que, quand le pont Mercier est occupé, qu'on dégage ça de force. Alors, la tension monte et M. Bourassa, je pense, se sent un peu paniqué, un peu comme dans la crise d'octobre. J'ai l'impression qu'il y a eu des réminiscences de cette crise-là. Surtout, il faut dire que M. Bourassa est malade. Oui. Et que, bon, la crise constitutionnelle vient d'éclater. Alors, je pense que là, il se dit, non, ça n'a plus de bon sens, là, il faut absolument régler ça. Et c'est pour ça qu'éventuellement, il fera appel à l'armée. Oui. Et ce sera, il y aura une autre image, Marc Laurendeau, qui choquera beaucoup de Québécois et qui montre un peu la manière dont est mal gérée cette crise. C'est la fameuse signature d'une entente par certains ministres québécois avec des Warriors qui portent le masque. Ça aussi, c'est catastrophique sur le plan politique. Oui, c'était un juge, d'ailleurs. Le juge Gould, sauf erreur, qui devait signer une entente avec des gens masqués. C'est la consécration de l'illégalité du fait que la violence, au fond, puisse être acceptée comme ça, comme tout à fait légitime. Les Autochtones ont des droits légitimes. Monsieur Bourassa, là-dessus, est en retard sur ses adversaires. Mm-hmm. Il a eu des problèmes avec l'abbé James. Il ne comprend pas ces questions-là. Il n'y a pas la même sensibilité. Il faut dire que dans le cas du gouvernement Lévesque, Monsieur Lévesque était lui-même ministre d'Affaires autochtones, que plus tard, Landry signera la paix des braves. Il faut reconnaître ça, que la sensibilité est meilleure de ce côté-là. là. Et que, évidemment, il était dépassé par la situation complètement quand arrive la crise. Là, il était en gestion des retombées de tout ça. Pierre Trudel, on a parlé de deux images fortes pour les non-autochtones, là, ce face-à-face entre ce warrior et un soldat de l'armée canadienne, et cette image là, de l'entente signée par des Indiens masqués. Du côté autochtone, qu'est-ce qu'on a retenu? Quelles sont les images fortes qu'ont retenues les Autochtones de cette crise-là? Écoutez, on la connaît moins puisqu'il y a moins de données historiques là-dessus. À ce que je sache, il y a un sentiment chez les Mohawks, du moins d'après ce qu'on peut savoir, de grande injustice. Toujours, aujourd'hui. D'usage extrême d'une force inutile. Oui. La crise d'Oka, c'est un symbole à la fois de résistance, puis à la fois d'un affront, et puis d'un usage abusif de la force. Ça va se régler comment, de fait, cette crise-là, Pierre Trudel? Vous savez, je ne partage pas, avant de répondre à cette question-là, l'avis sur M. Bourassa et comment il était. Je pense au contraire, même j'irais jusqu'à dire une chance que c'était lui qui était là ce matin-là, plutôt que M. Parizeau. Et avec M. Tchatcha, il a su modérer son cabinet pendant tout le long de la crise. Il y a des gens dont Marc-Yvan Côté, d'ailleurs, là, les données historiques sont présentes. On peut avoir accès aux délibérations du Conseil du ministre à ce moment-là et qui demandaient d'attaquer. Oui. Et ça aurait été beaucoup plus grave. Et M. Bourassa a patiné, bien sûr. Il peut avoir l'air de loin de quelqu'un qui ne bougeait pas. Oui. Mais moi, je pense que, par chance, que c'était lui plutôt que d'autres qui auraient fait... La répression. M. Tchatcha et même l'armée canadienne essayaient de modérer des ministres québécois qui voulaient qu'on ait... D'accord. Mais dans la sensibilité aux Autochtones, c'est là que je veux dire. La répression, c'est autre chose. Oui. Mais la sensibilité préalable aux Autochtones. D'accord. Aujourd'hui, on ne s'embarquerait pas là-dedans construire sur un terrain de golf, sur un territoire autochtone. Ça se termine comment, cette crise-là, Pierre Trudel? Ben, écoutez, il n'y a pas d'entente. Il y a une entente militaire à Kanawagé entre les guerriers et l'armée canadienne pour ouvrir le pont. À Kanasetake, les gens brûlent leurs armes et décident de s'en aller chez eux. Ils se font arrêter par l'armée canadienne qui fait du contrôle de foule avec une mitraillette dans les mains. Là, et on envoie ces gens-là en autobus dans un camp militaire. Un procès va les innocenter. Et il va avoir abandon du projet et d'autre part, il va avoir rachat. Le processus de réunification des terres qui était le bonbon qu'on donnait aux Mohawks parce qu'on leur avait refusé de faire partie des revendications particulières et d'avoir une revendication légitime. On leur disait, bon, on va vous faire une assise territoriale plus vaste en rachetant des terres. Bien là, après la crise d'Oka, le gouvernement fédéral a acheté les propriétés pour remettre ça à la communauté de Kanasetake. Et il y a j'insiste là-dessus, là, c'est une communauté post-traumatisée après ces événements-là. Même encore aujourd'hui. Dernier tour de table, messieurs, ça passe vite toujours cette émission. De quoi d'autre aurions-nous pu parler en matière de crise au Canada, Marc Lorando? Bien, certainement les crises de la conscription, certainement la crise d'octobre et bien sûr la crise des patriotes, puisque là on était au bord d'une guerre civile, là, littéralement. Alors plus le degré de division et de tension et de violence dans la population est sérieuse, plus c'est une crise gravissime. Là. Michel David. Oui, je pense qu'on aurait pu faire une suite à Meech en parlant de l'accord de Charlottetown aussi pour les raisons suivante. D'abord, là, les Autochtones vont vraiment jouer un rôle important là-dedans. Ils vont être partis à la négociation et il y aura dans l'accord beaucoup de choses qui les concernent. Ça n'a pas fonctionné, mais il y avait là déjà une ouverture significative. Ouais. Et d'autre part, au Québec, on voit se mettre en place l'équipe qui sera celle du oui au référendum. Là, on voit Bouchard, Parizeau et Mario Dumont qui vient de quitter le Parti libéral et qui fait lui aussi campagne contre l'accord de Charlottetown. Alors, on a une espèce d'aperçu de ce que sera la campagne référendaire 3 ans plus tard. Pierre Trudel, sur ce thème, quelle autre crise aurait pu être évoquée? Écoutez, une crise dont on ne prenait pas conscience, un peu comme la crise d'Oka, c'est la crise du changement climatique. C'est-à-dire que pendant des décennies, on consommait, on produisait ce qui va devenir le changement climatique et on ignorait à peu près tout à fait cela. Et c'est une crise majeure présentement qui a des conséquences très graves. On le voit avec des inondations récentes, gestion des barrages, etc. Et qui continue de s'écrire, cette crise d'ailleurs. Merci infiniment à tous les trois. Pierre Trudel, anthropologue, président de la Société Recherche amérindienne du Québec. Merci. Michel David,